massive. Signal, y es-tu? Peut-être. Flambeau, tu ne peux pas ne pas le reconnaître. Est-ce en bas, est-ce en haut? Est-ce noir, est-ce blanc? Est-ce grand ou petit? Pâle, petit et grand. Je suis content. Je suis ravi. Je suis parti. Par la croisée, où l'on finirait bataille, chapeau, qui semblait fait avec de zèle de corbeau. À cause des façons implacables et nettes, ensuite découpées sur le ciel des fêtes. Vainqueur, neuf, acclamé, puissant, je t'ai haï. Et je te laisse encore vaincu, vieux, éclaté. Je te mets pour cette ombre altière et péremptoire, que tu feras toujours sur le mur de l'histoire, pour toutes les rumeurs qui ne t'apprennent que sortent. Je vois que les femmes rapportent, et dans lequel l'oreille écoute en s'approchant le bruit de mer que fait un grand peuple en marchant. Mais tout d'un coup, c'est drôle. Le présent imite le passé parfois en s'amusant. Ne te voilà comme une chose familière. Cela me paraît de 20 ans en arrière. Ainsi, c'était comme aujourd'hui, des armes, des papiers. On croirait que c'est lui qui vient de te jeter en passant sur la carte, qu'il est encore ici chez lui, ce Bonaparte. Et en me retournant, je vais sur le seuil, là, de revoir le grenadier, le monde à la garde. mon service. Et demain, pas un mot pour la fin de police. Je ne raconte pas les tours qu'on m'a joués. Que m'importe d'ailleurs vos grognards dévoués. Vous n'êtes pas Napoléon. Et qui le décrète? Vous avez le petit chapeau, mais pas la tête. Oh, vous avez encore trouvé le mot qu'il faut pour dégonfler l'enthousiasme. Ce mot ne sera pas cette fois-ci le coup d'épaule. Regardez-vous dans cette glace, regardez la langueur morne de votre face, regardez ce fardeau si lourd d'être si blanc, ces accablants cheveux. Mais regardez-vous dans... Mais comme mon âme fatale vous accompagne, mais ça vous plaît si c'est tout une Allemagne, si tout une Espagne, votre âme dormant, qui vous fait si honteux, si triste et si charmant. Mon père! Vous n'avez rien de votre père, mais cherchez bien, approchez la lumière. Il a voulu. Jaloux de notre sang ancien, venir nous le voler pour envier le sien. Mais ce qu'il a volé, c'est la mélancolie, c'est la faiblesse. Oh, je vous en supplie. Regardez-vous pâlir dans le miroir. Si votre lèvre, là, vous la reconnaissez, c'est un mot orgueilleuse et rouge de poupée, c'est celle du temps blanc sur tête coupée. Par ce qu'il a volé, c'est aussi le malheur, mais on sait dans le candélabre. Moi, j'ai peur. J'ai de regarder la nuit dans cette glace, sans voir derrière toi monter tout. Ta race, vois, c'est Jeanne la folle au fond, c'est de la peur, et ce qui sous la vitre arrive avec l'auteur, c'est la pâleur du roi dans son cercueil de verre. D'avoir voulu s'enterrer. Les scurrinales, les fentes d'agonies, les murs noirs. Thank you.